Chapitre 13e. Le joli lieutenant. Bipard, les yeux bandés, fut emmené hors de la maison. On lui fit redescendre l'échelle, et on le conduisit en voiture jusqu'au boulevard Ornano. Là, les aides qui l'accompagnaient lui enlevèrent le bandeau et lui firent quitter la voiture. Peu après, avec lui, il pénétrait dans le début des Enfants de l'Aveyron et se faisait servir du vieux mare par Clafou. Toutes les précautions ont été prises par les aides pour que leur nouveau lieu de réunion demeurât longtemps encore inconnu. Généralement, les bandits font choix pour repères de souterrains, de caves, de grottes. L'idée était originale de se réunir dans un grenier. Mais malgré cette originalité, malgré les précautions dont ils s'entouraient pour rester dans le mystère, Paul Imbroquet ne devait pas tarder à tout apprendre. Le soir même où Zigomard avait mandé Bipard à sa barre de haute justice, un homme, dont certes moins que jamais on ne se méfiait, entendit, tout en servant son vieux mare, annoncer le voyage de Montmartre au quartier de Grenelle, de l'expédition des Enfants de l'Aveyron chez Zulma. Zulma, un nom commençant par Z, c'était un nom prédestiné pour Zigomard. Dès qu'il eut versé ses verres de mare, Clafou, une seconde, sortit de son établissement sans attirer l'attention. Cela lui arrivait souvent pour son commerce, et ses absences, jamais longues, n'étonnaient personne. Cette fois, Clafou ne demeura dehors que quelques secondes. Mais il eut le temps de dire à Gabriel, qui à tout hasard était venu aux nouvelles, « Fais attention, il va sortir de chez moi Bipard et deux ou trois compagnons. Ils vont prendre une voiture et vont aller chez Zulma. Zulma, c'est le nom de leur nouvelle barbotière. Bon, arrange-toi pour les suivre et préviens le chef. Parfait, merci. » Derrière la voiture qui emmenait Bipard et ses compagnons, une voiture suivait à bonne distance. Dans cette voiture appartenant au service de Paul Imbroquet se trouvait Gabriel. Il vit Bipard et ses compagnons descendre de leur véhicule. Son cocher à lui, stylé et habile, passa, puis alla s'arrêter un peu plus loin. Gabriel sauta de voiture et vint pister les compagnons et Bipard. Il les vit soulever une planche de la palissade, pénétrer dans le terrain vague. Gabriel les vit ensuite monter à l'échelle, et un à un, lentement, à cause de Bipard, qui, aveugle, était d'une maladresse insigne, s'engouffrer par la croisée du deuxième étage. Il vit aussi l'échelle remonter et rentrer dans la maison. Gabriel, qui avait une patience à toute épreuve, attendit. Pour ne pas donner l'éveil, il se coucha comme un parfait ivrogne dans une encoignure, dans l'ombre. Bipard et ses compagnons reparurent. Gabriel attendit encore. Il passa la nuit entière dans ce coin, reçut plusieurs ondées. Au petit jour seulement, certain que personne ne sortirait de la maison par l'échelle, il prit le parti de se retirer. Tout mouillé, grelottant de froid, il se fit conduire par sa voiture chez Paul Imbroquet à Neuilly. Le chef, aussitôt, redoutant que son lieutenant ne payât son dévouement d'une flexion de poitrine, le fit déshabiller, revêtir de linge sec, et lui dit de se mettre au lit qui fut fortement bassiné. Tout en prenant un grog bouillant et hardiment relevé, Gabriel voulut, avant de prendre du repos, mettre son chef au courant de sa découverte. Paul Imbroquet ne douta pas de l'importance de cela. « Nous avons le nouveau domicile des aides, » dit-il joyeusement. « Zulma, Zulma !» Puis, ayant serré la main de son lieutenant, « Maintenant, dors bien, et tâche de suer tout ce que tu pourras. Bonsoir et bonjour. » Il tira lui-même les rideaux de la chambre donnée à son lieutenant et retourna dans la serre. Là, sous les palmiers, étendu sur sa chaise longue, un cigare aux dents, il se mit comme à son habitude à réfléchir longuement, tout en envoyant au ciel des nuages légers de fumée odorante. « Zulma, » répéta-t-il, « l'amorce va nous dénicher cela. » Quand ses lieutenants, l'amorce et Simon vinrent, selon l'habitude, l'un après l'autre et suivant des chemins différents, prendre des nouvelles du chef, Paul Imbroquet leur raconta l'aventure de Gabriel qui dormait encore. Et il dit à l'amorce, « Toi, mon garçon, tu vas tirer ça au clair, savoir ce que c'est, à Grenelle, près des terrains de l'ex-village suisse. Une maison. Zulma, débrouille-toi. Bien, chef. » L'amorce avait ce talent de faire parler les gens, d'amorcer les confidences. « Grenelle, invalide, » se dit-il. « Usine, militaire. » Ça va bien, je vois ça d'ici. Dans la matinée, un soldat d'infanterie s'asseyait dans un petit café près de l'avenue de la Motte-Piquet. Il y avait là quelques soldats, des ouvriers. Le nom de Zulma fut prononcé, la mort s'ouvrit l'oreille. Un des soldats, ancien ordonnance d'un lieutenant envoyé loin de Paris, racontait à son camarade le bon temps que c'était quand il était avec ce lieutenant. « C'était un bon garçon que mon lieutenant prévalant, et il demeurait dans une maison où ce que les propriétaires n'étaient pas ordinaires par rapport aux militaires. Le mari, un ancien commandant d'habillement, se rappelait de ceux qui étaient encore dans le métier, et la femme, plus encore que son mari, aimait l'uniforme, qu'elle avait toujours quelque douceur à donner aux ordonnances de ses locataires. Ah, on ne trouvait pas toujours des bons types comme M. Mélidon. Et Mme Mélidon, Mme Zulma. La mort s'en savait déjà beaucoup. Quand ce brave militaire fut parti avec ses compagnons, il sut faire parler le patron du petit café qui ne demandait pas mieux. La maison de Mélidon se trouvait, comme s'en doutait l'amorce, presque en face. Par conséquent, le patron du petit café connaissait parfaitement M. Mélidon et Zulma. Il savait toute leur histoire depuis le début de leurs amours, étape par étape, galon par galon, si on peut dire ainsi, jusqu'à l'époque de la retraite de l'adjudant des lits militaires et à son mariage avec l'imposante et avantageuse Zulma. Il se fit un plaisir de renseigner l'amorce, qui de son côté ne perdait pas un mot de tout cet intéressant récit. Le lendemain, un lieutenant, jeune, bien pris, assez agréable de figure, l'air décidé, les yeux clairs, sous la moustache en croc une bouche rieuse, se présentait chez M. Mélidon, chez Zulma. « Je suis un ami du lieutenant Prévalent. C'est lui qui m'envoie, car je vais tenir garnison à Paris, désormais. » Mélidon fit au lieutenant l'accueil cordial que tout aîné réserve aux jeunes qui entrent dans la carrière des armes. L'accueil que cet aîné sait faire quand ce nouveau devient son hôte. Même Mme Mélidon, en voyant ce pimpant officier, bien découplé, jeune, joyeux, vigoureux, sentit en sa vaste poitrine battre la charge à son cœur de la Zulma de 20 ans. Elle soupira. « Ah ! En voilà un qui aurait eu ses cols glacés comme de la porcelaine tendre. « Donc, fit M. Mélidon, ce cher lieutenant Prévalent nous envoie le bonjour par vous. Pas seulement cela. Bonjour, amitié, serment de main et compliments à Mme Mélidon. Mais il m'a dit, à Paris, il n'y a qu'une maison où un lieutenant comme toi puisse habiter, c'est chez M. Mélidon. Et voilà, je viens habiter chez M. Mélidon. » Zulma leva ses bras courts et gros, puis elle les laissa retomber, avec un soupir de forge et un sifflement d'asthme. « Hélas, fit M. Mélidon, hélas, mon cher lieutenant. « Comment ? S'écria le lieutenant. « Comment vous n'allez pas refuser de me loger ? Non, mille fois non, mais nous ne pouvons pas. « Pourquoi ? Toutes nos chambres sont prises. « Par des militaires. « Des militaires au premier. « Et au second des civils, oui. « Bon, fit le lieutenant Lamorce, ça ne fait rien. « Comment ? Vous allez donner congé à un des civils et j'établirai chez lui mon campement. » M. Mélidon semblait désolé. « Mais, mon cher lieutenant, comment voulez-vous ? Ce n'est pas possible. Des civils, des Pékins, empêcher un militaire de se coucher. C'est que... Allons, allons, M. Mélidon. Est-ce que nous devrions seulement hésiter ? Voyons, qu'est-ce que c'est que ces civils ? Des gens très convenables. « Parbleu ! » s'écria Lamorce. « Je pense bien que vous ne logez pas chez vous une bande de malfaiteurs. » Il dit cela. Le lieutenant l'amorce, il le dit sérieusement, sans s'esclaffer. Alors, poursuivit-il, qu'est-ce qu'ils font, ces civils ? Ce sont des ingénieurs. Ingénieurs ? Il n'y a que le génie militaire qui compte, et le génie militaire est fait pour établir des ponts, creuser des canaux, faire des routes, nous préparer le chemin. Donc, que les ingénieurs civils en fassent autant, qu'ils me disposent un appartement et qu'ils disparaissent. Sans doute, mais voilà, je ne peux... Ils payent bien, ils sont tranquilles. « Bien, il ne manquera plus que ça, qu'ils ne le fussent pas. Et qu'y a-t-il après cela ? Un jeune ingénieur. Encore ? Ingénieur photographe. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là ? Il fait des recherches sur la photographie. Ici, dans votre maison. Où est son atelier ? » M. Mélidon lui expliqua la combinaison du photographe. Et tout en donnant au lieutenant ses explications détaillées, M. Mélidon ne se doutait pas à quel point il intéressait l'amorce. L'atelier, ajouta M. Mélidon, se trouve au grenier. M. Grandel, le photographe, l'a rangé à sa façon. Il ne faut pas qu'il y ait du jour, vous comprenez ? Et il a la clé, personne ne peut y pénétrer. « Bien, bien, » dit le lieutenant Lamorce. D'ailleurs, ce n'est pas dans l'atelier que je veux loger, je le pense bien. Mais dans une chambre du premier ou du deuxième, ça m'est égal. » Malgré toute sa bonne volonté, M. Mélidon ne put donner satisfaction au lieutenant. Il s'en montrait désolé, mais loyalement, il ne lui était pas possible de donner congé à de bons locataires pour loger ce nouveau, même lieutenant, même recommandé par le lieutenant Prévalent. Zulma, elle, se serait peut-être décidée à faire cela. Elle se mit à chercher des combinaisons. Le moyen de ne pas commettre une injustice envers ses anciens locataires tout en contentant le nouveau. Elle lui partageait volontiers sa chambre avec lui. Mais dans cette chambre se trouvait déjà M. Mélidon. Or, à eux deux, M. Mélidon et Zulma, ils comblaient à peu près cette chambre. Le lieutenant n'aurait pu se retourner. « Voyons, cherchons encore un moyen de vous garder, » dit Zulma, « cherchons. » Pendant qu'elle émettait quelques idées, quelqu'un passa devant la pièce qu'on appelait le bureau, qui était une façon de salon où se tenaient dans le jour les propriétaires. Une porte vitrée fermait ce salon, et cette vitre s'ouvrait en vasistas pour permettre de communiquer verbalement avec les locataires sans être obligé d'ouvrir entièrement la porte, ce qui aurait provoqué des courants d'air dont M. Mélidon, quoique militaire, avait une peur terrible. Le locataire qui descendait de chez lui frappa au carreau, ouvrit le vasistas et demanda « Rien pour moi, M. Mélidon ?» L'amorce, au son de cette voix, se retourna vivement, il regarda le locataire. « Non, Monsieur Grandel, » répondirent en même temps le couple Mélidon, « il n'y a rien pour vous. »« Merci, ce sera pour le prochain courrier. Au revoir. »« C'est ça. Au revoir, Monsieur Grandel. » Zulma, complaisamment, dit à l'amorce, « Tenez, précisément c'est Monsieur Grandel, le photographe. »« Ah !» fit l'amorce, du ton le plus détaché du monde. « C'est très bien. » Puis aussitôt il dit, « En somme, vous ne pouvez pas me loger. »« Tant pis pour moi. » Mais je vois un moyen de tout arranger. Ah, lequel? Voilà ce que je vais faire. Je vais provisoirement louer une chambre dans le voisinage et j'attendrai là que vous en ayez une de libre ici. C'est cela, oui, bonne idée. Peu après, l'amorce quittait la maison, remontait vers l'école militaire. Il entra dans l'école, rendit le salut au factionnaire, alla demander quelque chose au garde-concierge, puis, ayant obtenu sa réponse, partit en remerciant et rendant les saluts. Ce que faisait en ce moment l'amorce, c'était tout simplement pour dépister les espions qui pouvaient l'avoir découvert, reconnu et s'être mis à le suivre. Il entra dans l'école militaire. Il alla demander au concierge un officier quelconque dont il donna le nom de son invention. Ce nom étant inconnu, le concierge toutefois fit des recherches dans ses feuilles. Il alla se renseigner dans un bureau, puis au bout d'un moment il revint dire au lieutenant l'amorce que cet officier qu'il demandait ne se trouvait pas à l'école militaire. L'amorce se retira. Il fit quelques pas dans l'avenue de la Motte-Piquet, cherchant du regard. Une voiture passait au pas, non loin de l'école. L'amorce fit signe, le cocher s'arrêta. Le lieutenant y monta. La voiture se mit en marche du côté du Trocadéro, puis elle gagna l'avenue de la Grande Armée et s'arrêta devant un café. De la voiture dans laquelle un lieutenant était monté descendit un chauffeur d'automobile. La voiture s'éloigna. Le chauffeur sauta sur le siège d'avant d'une auto stationnant là, et il se mit dans le baquet à côté de celui du conducteur qui tenait le volant et qui aussitôt embraya et roula dans la direction de Neuilly. Quelques minutes après, ayant fait des détours dans les rues de Neuilly, l'automobile pénétrait dans une des villas dont la porte s'était ouverte au son de la trompe. Et quelques secondes plus tard, l'amorce se rendait compte à Paulin Broquet du résultat de son enquête. Il conclut « Quant à celui qui se dit chez M. Mélidon et Zulma le photographe Grandel, je l'ai reconnu d'abord à la voix, puis à l'allure, au regard, à tout, enfin. Le photographe Grandel, c'est le comte de la Guérinière. » Paulin Broquet se mit à sourire. « C'est ce que je pensais. Le grenier, la maison de Mélidon et de Zulma, c'est bien la nouvelle Barbotière. » Et il ajouta « Après la cave, les combles, c'est assez logique. » « Allons, mes enfants, nous irons voir cela. » C'était encore vouloir courir au danger. Les lieutenants de Paulin Broquet eurent à ce sujet de longues discussions, mais ils furent d'avis, en fin de compte, qu'on ne pouvait se dispenser de chercher à prendre les aides dans leurs repères. Cette fois, l'expédition, à cause du local, leur semblait beaucoup moins dangereuse. Ils n'essayèrent pas, comme lorsqu'il s'agissait de pénétrer dans la terrible Barbotière, de dissuader le chef de tenter cette reconnaissance. Au contraire, Ils l'encouragèrent, l'approuvèrent. Ils espéraient qu'il serait facile de cerner l'immeuble et de prendre tout le monde dans une souricière habilement établie.